ça va la vivre. Et vous faut dire, on est copains. Et vous faut dire, pour vivre votre vie. De l'argent, la caillasse, le macouta ou le poids si vous voulez. La vie, oui c'est la vie, c'est pour la vie. Mais il faut savoir la vivre. La vie, c'est pour la vie. On la vit une fois, il faut savoir la vivre. L'argent, la caillasse, le tombe ou le poids. C'est pareil, c'est le même fétiche. Avec ce poids, je me bâtirais une petite maison, une coquette villa. La vie, oui c'est la vie, c'est pour la vie, mais il faut savoir la vivre. La vie, c'est pour la vie, on la vit une fois, il faut savoir la vivre. Dans cette maison, que voulez-vous que j'y mette? Une nana, une poupée, une beauté, une biche noire, que j'aimerais. Que j'adorerai la vie, oui c'est la vie, c'est pour la vie, mais il faut savoir la vivre. La vie, c'est pour la vie, on la vit qu'une fois, il faut savoir la vivre. Néanmoins, papa est là, maman est là, tonton aussi, il ne faudrait non jamais les oublier. C'est la famille, oui c'est la racine. La vie, oui c'est la vie, c'est pour la vie, mais il faut savoir la vivre. La vie, c'est pour la vie, on la vit une fois, il faut savoir la vivre. Néanmoins, papa est là, maman est là, tonton aussi, il ne faudrait non jamais les oublier. C'est la famille, oui c'est la racine. La vie, oui c'est la vie, c'est pour la vie, mais il faut savoir la vivre. La vie, c'est pour la vie, on la vit qu'une fois, il faut savoir la vivre. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est la vie. Chauffeur, chauffeur, chauffeur. Échauffement, échauffement, échauffement, échauffement.